Le 16 courant, jour anniversaire du dirigeant Kim Jong-il, le corps des attachés militaires en Corée a visité le 21e floralite au Kim Jong-il.